La cigale de Victor de la Prade, enregistré pour LibriVox.org. L'air pèse et brûle. Il est dans l'herbe et les épis, bruit d'ailes ni murmure. Même les froids lézards se cachent assoupis au fond des gerbes mûres. La feuille au loin se tait dans l'immobilité. Pas un oiseau ne vole. La terre a vu tarir dans les bras de l'été sa sève et sa parole. De la plaine embrasée, où sont les habitants? La vie est-elle encore? Oui, la nature veille, et joyeux je t'entends, ô cigale sonore. Ton cri sort des sillons brûlants et crevassés, de l'orme aux branches sèches, parmi les chauds rayons qu'un ciel rouge a lancés, aigus comme des flèches. C'est toi qu'un doux vieillard, des voluptés épris, disait aux dieux pareils. Et l'homme de nos jours te ferme avec mépris son cœur et son oreille. En cercle, les héros t'écoutaient autrefois, comme un hymne dorique. Qui donc s'est transformé de l'homme ou de ta voix, ô chanteuse homérique? Non, tu n'as rien changé, nature, à tes accents. Ta musique est la même. Mais pour trouver la clé de tes accords puissants, il faut d'abord qu'on t'aime. Poète, je le sais, nul n'est vil à mes yeux des mille aspects de l'être. Tout cri révèle une âme, et mon cœur sérieux l'accueille et s'en pénètre. Viens, cigale ma sœur, et chante près de moi. Nul homme sacrilège n'oserait, où je suis, porter la main sur toi. La muse te protège. Moi, je me dis impur si dans l'ombre, en marchant, j'écrase un frêle insecte. Au cœur universel, tout ce qui prête un chant, il faut qu'on le respecte. Car la terre gémit, car Dieu même est chagrin d'une note étouffée et d'une voix qui manque à l'hymne souverain dont l'homme est coryphée. Fin du poème, enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.